Ouais, Dako, repose en paix, t'as un gars de Bondi. Ouais. C'est un rappeur, lui, Dako, lui. Il est mort, lui. Oui, Dako. Ouais. Ouais, ouais, repose en paix. Il est mort. Il est quoi, lui? 2013, une balle. Ah ouais? Une balle sur la tête. Putain, ouais. Et tu sais quoi, c'est à cause de quoi? C'était une meuf, hein. Ah ouais? C'était pour une meuf, hein. Ah ouais? Juste pour une meuf. Il est mort. Mortal. Putain, ouais. Tu sors une bonne meuf, ça y est, tu en mets une balle. Putain, c'est chaud. Ouais, d'accord, pose en paix, mon gars. Voilà, force à toi. J'ai eu ton YouTube, j'étais décédé, mon gars. Ouais, force à toi, mon gars. Force à toi. Ouais, Bondi, 9-3-7-7-2-7-0. Villemomble, tous les quartiers de France, on est posé ici. Martin, il est là. Il part en vacances la semaine prochaine. Il va bronzer au soleil quand tu viens. Tu sais? C'est la dernière semaine, c'est après dans t'es deux là. Semaines que je pars. Dans deux semaines prochaine. Je suis encore la semaine prochaine, ouais. Ouais. Tu vas bronzer, on dirait un soleil. Quand tu viens pas, t'es posé ici dans la radio. 93-140 Bondi. Il a habité à Lila. 93-140 à Bondi. Pas Bondi, on est, là, on est ici. Eh, c'est 93, c'est 9-3 en force. On est venu en force avec Bondi. Bondi 9-3-140-7-7. On est en force toujours, on vient, on est posé avec Martin, avec sa voiture et son bus. Quand tu viens pas, ça traite le bus bleu. Quand tu viens pas, c'est posé ici avec Martin. Il fait beau, il fait chaud, c'est caliente. On est posé au soleil. Quand on vient pas, on est posé ici. Le soleil posé, est... posé, posé, posé. Le posé, posé. Posé, on est là, écrit, quand tu viens pas, c'est le nuage. Quand au soleil, ça crame comme le barbecue. Quand tu viens pas, t'es grillé au soleil. Quand tu viens pas, tu vas à Basic Fit pour faire de la muscule, comme même si le rappeur du 7-7. Quand tu viens pas ici, 4-3-3-140 Bondi, t'es posé, Isaac Street. Avec mon gars Doudou qui viendra tout à l'heure. Il est parti à Lidl pour faire ses courses avec sa Kachi. Bang. Martin, il est à Lidl, il fait ses courses. Il va acheter des croquettes pour son chien. Ouais. Il va s'appeler Tom and Jerry, son chien. Il va croquer tout le quartier du 9-3. Il va croquer la terre entière. Martin, croque pas la terre, on dirait un dalmatien. Ouais, mon gars Doudou, tu viens comment, frérot, là? T'attends, frérot, vas-y Doudou. Mon gars Doudou, viens frérot. Vas-y, attends, j'ai un message. Vas-y, moi. Freestyle. Ouais. Le charo, comme Jiniska, le fait un charo. Thank you. Allez, toi, c'est sûr, toi. Oula, c'est fou, c'est mort. Vous êtes entre vous. Ouais, vous êtes entre vous en termes de mariage, tout ça. En termes de mariage, vous êtes entre vous. Non, je suis pas marié encore, mon gars, moi. I can't tell you what it is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still life in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in a flight. High off a mountain, drunk from my hate. It's like I'm off in pain. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Aux États-Unis, une nouvelle vague. MC en folie. Tout allait vite, encore plus vite là-bas. La rue, combien de frères a-t-elle emporté? En a-t-elle eu et abattu? Je ne sais plus. Le trottoir, si sombre le soir, couleur sombre, on n'a pas vu ton ombre, malgré la pénombre. Hey. D'accord, c'est hélicoptère ou quoi, mon gars? Rihanna, c'est ma best. Ah là là, elle est hot, elle a ça, elle a tout pour plaire. Rihanna. Rihanna, t'es mon chéri, on dirait un clown. Tu rigoles avec au style clown, Rihanna. Quoi, y'entends pas? Rihanna. Elle s'appelle Rihanna. Rihanna. Rihanna. Rihanna qui va au jury, elle s'appelle Rihanna. Ouais, Martin. Ouais. Ouais, Martin, tu mets du Rihanna. Tu as la rue ou pas, toi aussi, Martin? Vas-y, parle. On règle le micro, là. J'improvise vite et après, je te donne le micro. Ouais, t'inquiète, c'est carré. Ouais. 1, 2, 1, 2. Attends, il y a plein de micros, là. Il y a 6 micros. Ouais. Tiens, copain. Non, mais il y en a plein de micros. Mets un casque, Mohamed. Avec un casque, j'entends mieux. Je vais prendre le micro. Tu sais le faire, là? Attends, je vais t'aider. Faire comme ça, ils sont tranquilles. Comme ça. Allô Mohamed, tu m'entends? Ouais, yo. Oh là là, on va déraper ou quoi? Non, on n'a pas dérapé. L'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Même le gouvernement, prêt à baisser leur froc pour une question d'argent. Avec une baisse irréversible, suivant le temps. Apparemment, l'armement passe largement avant. La condition de vie de chacun, le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant, tu sais à quoi sert le fric? Qui à lui seul pourrait stopper la famine en Afrique? Le fric, c'est chic. Quand t'en as, ça va. Quand t'en as pas, ça va pas. Qui a fait les lois? C'est toi, c'est moi. Qui défend nos droits? La justice, pourquoi? Ouais! Et en force, Mohamed, il arrive de. Oh là là, il arrive de Saturne. Il arrive en force. Oui. Il est où lui? Il est où le DJ là? Où il est où le DJ? Ouais, tout mon gars, t'es où là? Parce qu'on est là, frérot. Tu as ta femme ou quoi? C'est comme mon ref. Ah ouais, c'est quoi? C'est, oui. Quoi, c'est comme mon ref, t'es pas là ou quoi? Pas là. Mon ref, t'es où? Le micro, voilà, ouais. Prends le micro à la main. Hardcore pour le Nord. Si tu suces des bites, tu y arriveras vite. Si tu suces des bites, attention, mets pas les micros sur nous. Entends, oh là là là là là. Du feu, malheureux. Qu'est-ce que c'était ça? Ouvre tes yeux, avant qu'on te crève. On te passe la fourchette des dettes. Ma petite quéquette, ta quéquette d'en pas, elle est rude. La ta pleine lune, quéquette. C'est pour les... Ouais. Ce soir, j'espère que c'est la pleine lune, même si on n'a pas une thune. Attention, le micro pas proche de le haut-parleur parce que sinon ça. Attention, le micro. Je t'instruis, Mohamed oublie Paris, aux côtés de mes frères, je combat et je survis. Aux côtés de mes frères, Johan et le voisin, combat pour ses frères. Combat pour ses frères. Tekken. MMA, tous les coups sont permis. même si t'as pas de permis. Tu vois le périph, je le prends et je regarde les halogènes et les lampadaires et les néons qui font le con. Il te faut une instru. Il te faut une instru de musique, toi. Un freestyle là, t'as vu, c'est le sang pur. Hein. Ouais, l'équipe. Freestyle, IGP, on est posé ici à Bondy, 4340. On est posé ici à Bondy, ouais, j'ai fait le... Quand tu en vois, tout est posé ici. Ouais. Attends, ça avec les micros. Deux phrases chacun, deux phrases chacun. Quand tu baisses les micros, il faut pas que ça deux phrases chacun. Je sais, parce que sinon ça fait... Ouais. Salam alaikum. Je l'ai vue, elle était devant moi, et si bas, ouais, je l'ai... matrixé. Quand t'es Matrix, c'est sur le film Matrix. Quand t'es sur la télé, t'es inté. Quand tu vas passer à Bondy, tu as le cinéma, Malraux. Quand tu passeras par dans le cinéma, tu regardes le cinématique. Film de Astérix, quand t'étais petit, tu viens Obélix comme Tyson et Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'était Ken à la Yohan. And so, ouais. On a ça, on a le Zeyo, de faire du sale, ouais. J'ai pleuré ma vie, ouais. Aujourd'hui, je viens de trop loin, ouais. Allo, Yohan. Écoute bien. Allons à l'Elysée, brûler les vieux. Matignon, c'est pas pour Macron ou Gabriel Attal avec une entaille dans les entrailles. Attal, je parle comme ça, on l'a fait tout seul. Direct dans le boule, ça vient du sous-sol. Ah, mauvais, t'es dans le jeu. Non, mauvais. L'esquive est de retour, ouais. Tu veux prendre un aller simple? Ah, je sais pas. Regarde, on porte pas plainte. N'aie aucune crainte. Le terrain, c'est pas pour nous. Les fous, ils sont chez eux. Rentrez chez vous, faire du kung-fu. Les mieux, si vous voulez écouter bien, il faut mettre un casque parce que là, c'est très bas. Un casque JBL, casque intégral. Casque intégral. Et Magali, tu veux un casque? Là, il y a un casque aussi. Casque intégral. Graal. Les Graals d'intégral. Intégral. Dans freestyle, attends, c'est intégral. Je vais t'aider, Mohamed. Intégralité. Généralité. Ouais, c'est hypnotisé. Quand t'es intégré, casse intégral. Quand tu viens pas sur Bondy, tu viens poser ici à Bondy avec Martin. Quand tu viens pas, ton pull bleu, ça gilet jaune. Quand tu viens pas, c'est posé ici avec Martin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un casse intégral. Quand tu viens intégral, ton pull bleu intégral. Moi 2005 en 97. T'es posé ici avec tout mon cas. Ça va bien, tranquille. Un petit ref est arrivé, il s'appelle Toutou. C'est carré, mon gars. Il a le frérot là. Tous ici, mon gars. Ouais, c'est pour les clandestins qui mangent pas de pain. Carte de séjour pour un jour, carte de séjour pour toujours. Les résidents, il leur faut beaucoup d'argent. L'argent, c'est le bois d'argent. Quand tu sentais le bois d'argent. Quand tu viens pas ici, c'est le bois d'argent. Comme écouter son beau Renoir, n'est du bois d'argent. Quand tu viens pas sur terre, le bois d'argent sans foi. C'est du parfum qu'on se privé. Pareil quand tu viens, le Jack Daniel sans foi. Quand tu bois du Jack Daniel sans foi, ta bouche sans la pile. Quand tu bois, ça sent l'urine de vache. Quand tu bois pas, tu sens l'urine de vache. Quand tu viens dans les traces, sans le chacal. 93-140, bon tien, tout on est posé ici. Ton micro tragique plus 2. Quand tu posais, tiens, elle arrête neige. Quand tu as pas, on est posé, c'est tout. Ouais, c'est 93-140. Les cheveux bleus, on tire un seul peu. Quand tu as pas ici, Martin son ordi, on tire un phare rétroviseur. Quand tu as pas ici, c'est Martin, il est ici. Avec son attends. Petit micro, on dira que je sens permis. Quand tu as pas ici, là que je sens permis. Attends là. Ouais. Moi je suis là, moi je suis déter à méga bas, ouais, on est là, on est posé dans le 93, ici bas il y a que des armées, t'inquiète pas, ouais, man, oh, on a mon Bondy, on est posé ici, 4340, Bondy au cinéma Malraux, quand tu viens pas, tu vois que la télé, on dirait. En rétroviseur, quand tu as pas en direct sur sa rock. Hey, ça va? Juste pour la face, je rappe et je dérape. Mais tu dérapes comment? Tu dérapes ta voiture ou quoi? Il n'y a pas d'auto. Quand on fume, on assume. Fume, à mort que la vie elle te fume. Ça va, Dune? Ouais, tout, va bien, ouais. Tout le monde va bien, ouais. Ah ouais. Bon, on est à 15 minutes de live, mais on est déjà en direct, ils vont commencer. Magali, il a un texte à lire. Dune, tu as un truc à dire? Magali, si tu veux parler de moi. Si t'as bien, tu prends, ouais. Magali, là, tu veux lire un truc? Tu veux lire un truc? Non? Où? Dès que ça arrive à l'esprit, vous demandez un micro et vous parlez, ok? Vas-y, je suis là. C'est bon là. Ouais. Attends, baisse un peu. Tu me dis lequel? Oui, mais on s'organise d'abord et après on y va. Oui, c'est vous que vous allez commencer, mais on s'organise un peu. Tu me dis, Magali, quel morceau? Mais il faut que tu sois. Dono, quand je t'ai dit, baisse, tu vois, on s'entend bien, sinon c'est bordel. Sur YouTube, il y a une minute 3 et une 3 sur YouTube. C'est quoi? Allen Ginsberg. Ah oui, ok. Celui qui dure une minute. Allen Ginsberg. Ouais, il est YouTube. Ouais. Howl. YouTube. Ouais, on est là. Oh! C'est. Ouais. C'est ça? Ouais. Hey. 95. 9340, mon Dieu, t'es ici quand t'es posé ici. Avec ton micro, tu posais pas. Tu viens poser ici ton micro. Ton micro il arrive. Un peu moins fort parce que sinon on n'entend pas lui. Vas-y. 4340, bon Dieu. Vas-y, on met. Ouh, ouh, ouh, ouh. 1, 2, 1, 2. Ah. Ah, attends. Pierre, l'équipe, plus encore, c'est ça. Bon, je laisse prêt et tu me dis, on le met pendant que. Ouh, ouh. Tu viens pas à Bondi. Et à grâce de montrer quand tu viens pas, c'est la radio. Montre sous bois 4340. Oh oh. Bondi c'est tout. Bondi c'est moi. Montreuil sous bois. MTR il est posé ici avec Bois de Bondi. On est à Bois de Bondi avec Martin. Canal de Lourdes avec sa télé. On dirait cinéma. Ils ont tué Giuseppe. Ils ont tué Giuseppe. Ils ont tué Giuseppe. Ils ont tué Giuseppe. On a arraché sa tête. Quand ça coule du sang, on dirait Halloween. Giuseppe, il est mort quand on l'a tué. On dirait plus 300. On a coupé en 4-4. On a pris un 4-4. Coup de bas dans la tête. Coup de machette. On écrase sa tête. Sa tête, elle est écrasée. On dirait ce truc bien écrasé, sa tête elle est coupée. On est carcassé. Sa tête elle est coupée. On dirait un viande hachée. Salade au matonion. Coupé salade au matonion. On va couper avec la hachette. Hachette, manchette, peut-être balayette. Martin, il a des cheveux bleus. On dirait un ciel qui est bleu. Ton portable il est trop bleu. Ouais, Martin. On dirait tête, le blanc rouge, arraché, on t'a tout pris, t'es arraché la tête, gang. C'est Halloween, les gars. Un petit peu moins fort pour que ça passe. Ouais, mais pas trop fort parce que sinon on n'entend pas toutes les voix. Écoute au casque, mec. Oh, oui, oui. Ouais. Oh, c'est pas mal, c'est ça. 340. Avec le fil 300, quand tu viens pas, t'es en sang. Le 300, le 7-7 en mode 140. J'en ai vu trop, j'ai ça. De mais un peu moins fort ça. Sinon, on n'entend pas sa voix. On n'entend pas ? Non, parce que la musique est trop forte. On n'entend pas ? Moi, je m'entends. Si, mais il faut que tu entends au casque, parce que c'est pas la même chose qu'on entend à la radio. Toi, tu entends, mais. T'es posé ici dans la street. Quand tu viens pas, tu manges des frites, salade, tomate, oignon, au cocré. Quand tu viens pas, les ghettos portent des TN. Quand tu viens au pied comme Kershak, tu portes des TN, New Balance. Quand t'es un rappeur, tu viens pas. En mode GT, tu rolles en Mercedes, Merco, volé en Merco. Quand tu viens pas, le Merco est roulé sur MTR. 93 sur Montreuil. 93 sont Montreuil, et comme Booba, eh, on a ça, on est Zeyo, eh, on avance, eh, oh oh oh, Panama avance, oh, attends, oh, ouais, oh, oh, oh, eh, eh, plus en mode drag, hein, moi je peux l'avoir en mode drag, hein, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, ma girl, hey, t'es posée, hey, j'ai envie de toi ce soir. Hey, hey, voudrais-tu cocktail? Hey, moi c'est Yoann MVP, Toro. Toro, la mif, hey, comment on a ça dans le Zeyo? C'est caliente, tu ramènes ta femme au resto. Quand tu ramènes pas de salade, tomate, oignon. Quand tu la fais graille sur la terrasse, quand tu viens pas, elle vient au cinéma. Tu viens, viens graille dans la petite Merco. Tu roules en bolide allemande. Et après, tu viens au cinéma avec Martin. Tu vas graille à salade, tomate, oignon au grec. La tomate en boulette, quand tu grailles, tu vas faire des petits maltesers. Maltesers, c'est des boules rouges. C'est Dragon Ball Z. Quand t'as mangé, tu viens sans Goku. Tu viens un prince, petit prince. Que t'as goûté le matin, petit prince au goûter. Martin et ses petits princes. Le stade où il y a le match de foot, c'est Caliente là-bas. Il y a Mbappé, c'est Dragon Ball Z, Vegeta. Mbappé c'est DBZ en mode Caliente. Vegeta c'est Z, c'est Tekken. Quand tu viens sur Terre, il place. Et c'est Carglass. Quand tu viens pas, tu roules en Carglass. Moteur AMG, bolide allemand. Quand tu viens pas sur Terre, avec Martin avec ses cheveux bleus, on dirait un bonbon bleu. Quand tu viens pas, Martin il prend le 105 par le port des lilas. Mais il a des fleurs lilas. Quand tu as lilas, il y a des fleurs. Il s'appelle les lilas. Lila, eh. 140 bondi. 140 bondi, Ouais, iPhone. Oh. 7793, vive la France, vive 77, 77 c'est la street. 93 c'est posé ici quand tu viens pas, bon Dieu. 77 c'est en mode, on va couper ta tête. Quand tu viens pas, c'est engagé en mode Halloween. Quand tu viens pas, ta tête, on va la mettre en mode pinata. C'est pinata ta tête quand elle est coupée, on dirait sans d'acheter. Nick, ironique, un sorteur de Paris, mange ta langue, t'es what? Joue pas les esprits, tu marches avec les suites, vas-y, donne les mecs, boum boum, enseigne et tu respectes dans la brigade des loups, des youvois, tu vois, c'est pas nous les voyous. Oui, ouais. Va mettre. Oui, les gars. Bondi. 4340 Bondi. Quand tu as pas en mode Verco, Merco, AMG. Quand tu as pas, on roule en Porsche Cayenne. Tu vois des pieds en moins de Cayenne. Quand, quand tu as des épis en de Cayenne, Porsche Cayenne, roule en Cayenne. Panorama, Porsche Cayenne, mode CRS. On mange Cayenne, on mange du piment Cayenne, on mange, on voit la Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, piment Cayenne. Quand t'es rouge, quand t'es shirt, mon shirt il est rouge. Plus ça, plus trois ça, quand t'es rouge, plus pas mal comme du sang. Champagne c'est puissant, dragon bozette, en mode végétal que ça. Quand tu as un coup de marteau, comme tu viens comme toi, quand tu as pas, t'es roulé en Merco AMG Boon. Pour lui allemand, pas. Ta tête c'est les allemandes, le sang est les rouges comme tiens, c'est les rouges. Coup de poing, balienne, coup de poing, balienne. Après on te vient, on fait Mbappé en mode zizou. Quand tu as pas bon Dieu, quand t'es du rouge, quand tu sang, quand tu viens par là, t'es du sang. Tu prends ça quand tu viens, t'es balèze comme Hulk. Quand tu viens sur terre, tu marches sur terre, comme au port de Lila. Quand t'es un bonhomme, tu viens en mode super sain. Dragon Bozette, en mode Vegeta Super Saiyan. Avec mon gars Johan, on est posé ici. Martin, c'est ouais, le bleu, on tire ouais, mon bleu. Ouais. Quand tu vois, il faut juste que tu tires pas. Mais moi, je suis pas, je suis pas. Tu peux faire la force calme. Attention, tire pas. Ah ouais, mais bon. Là, c'est rouge, là. Ouais. Ils sont dans un truc. Ici, c'est Paris. Dans... Ici, c'est Paris. Ici, c'est Buedoso. Oh. 4340. Quand tu viens ici, t'es posé à pas de bondi. T'es posé avec la Porsche Cayenne. Quand tu viens pas, tu m'as piment de Cayenne. Quand t'es rouge, on tire, tu sens tes rouges. De chaîne en or. Quand tu viens poser à bondi dans le street. Quand tu viens, BSP Street. Quand tu joues, Paris, Paris 7-7-7-7-7-9-3 posé ici dans le bolide allemand. Quand tu viens pas, t'es du rouge comme du sang. Le sang est rouge. Quand tu viens, t'es rouge comme le pain. Le couleur crayon est rouge. Quand tu viens, t'es tout rouge. Quand tu rougis, tu es comme une tomate. Quand tu viens pas, Martin, on dirait Mario Bros. Quand tu viens, brosse à dents, brosse tes dents. Quand t'es sale, quand tu viens, tu fais du sale. Quand tu viens, c'est Martin. Avec ses cheveux blonds, on dirait le ciel bleu. Martin, c'est le Mario Bros. Oui. Mais la métanoïaque, ça commence en... Dans 5 minutes, on est en live. Attends, mais... Vous faites un freestyle 5-10 minutes et après, silence, parce qu'il y a Magali qui va lire en silence, on va mettre un autre truc. Ok ? On va faire un truc. Oh, oh. Elle était pas mal cette là. C'était bien avant. Elle est là, elle est posée devant moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour la draguer tellement elle a le show. Je sais pas comment te dire, girl, comment t'es belle. Oh. T'as le caca Elle est fraîche, elle est gagnante quand c'est frais. C'est glacé quand le déclassé. Quand tu es sur terre, Martin elle est glacé. On tire un bonhomme de neige quand tu viens pas. Il est glacé, il est tout bleu. On tire un bonbon bleu quand t'es tragique. Tout bleu quand t'es venu pas sur terre. Martin elle est plus glacé. On tire un. Attention, mec, ça allait casser tout le truc là. Prends un autre micro là. Elle a tout pour plaire cette girl. Je la mate souvent. Oh oh, moi c'est Johan. Johan. Ça ouais de faire du ça, mais ma gueule comme un DJ, ouais, fly, fly, fly. Tellement t'es belle, t'es comme une vraie sorcière. Je l'ai devant moi, ouais, je sais pas comment plaire. Quand tu te plais, tu fais du parfum accenté, beau. Quand t'es fraîche, quand t'es fraîche, la crème fraîche, quand tu mets la crème fraîche, à la pizza, t'es fraîche, t'es calé. Quand tu as pas sur terre, tu vas l'aider, quand t'es frais, t'es fraîche, ton parfum il est frais, c'est du parfum frais, comme de la crème fraîche, quand tu as sur terre, t'as ta putain, putain soldat, on est posé ici avec Martin, Martin Bocciac Daniel, il est bourré, on tire un volcan, quand tu sautes sa tête, elle saute, on tire un cratère, quand tu as sur terre, il est posé ici avec Martin. Hey. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Pas mal, pas mal, pas mal les gars, pas mal. Et voilà, on est Métanoïac. Une minute de live. Tu fais le... Tu présentes la radio, Johan? Tu peux dire, on est radio Métanoïac, vas-y, vas-y. Quand tu viens pas sur terre, quand tu viens pas voir ici, t'es galette quand tu es à Marseille. Marseille c'est Paname, quand tu viens sur Paname. Pas, là on est en minute, voilà, on est en live. Tu peux dire, voilà, Radio Métanoïac, on est en direct, secteur 14. Non, non, 7-7. Mais bon, dis, vas-y, vas-y, tu peux. Parle, parle. T'entends pas, hein. T'entends pas, vas-y. Parle, va. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Secteur 14. Non, c'est MTR. EPS, il est vrai, vas-y, MTR, j'entends ouais. Mieux là. Ouais. Bah, allez-y, vous faites commencer. Magali, tu es prête sinon, faire le lien. Ouais. C'est MTR, les gars, vous avez pas encore pris, ouais. Ouais. Hey, hey. Quand c'est trop caliente, quand tu viens sur terre, sur Paname, quand tu viens à Marseille, tu viens sur Paris, 75 numéro 13. Marseille, quand tu viens. C'est Paris ici, ici c'est Paris, c'est pas Marseille. Quand tu viens dans la street, on est posé ici dans la Jobzer. Quand tu viens avec Martin, porte des lilas 93. Ici c'est le 7-7, on est posé ici en Martin. Mon gars Johan et Doudou, on est ici dans la street. Ici c'est un... C'est la street Zer 93-7-7. On est posé ici, dans le quartier de Bondy. C'est le Tchikar ici 93-7-7 posé ici dans le bois de Bondy. On est posé ici. Le canal de l'Ourc, c'est à Bondy. Avec le TA, on dirait une voiture sans permis. Quand tu viens pas ici, ton tracteur il vient. C'est la petite campagne. Quand tu viens pas ici, c'est tout doux, il est caliente. Ah oui, les looks. Ils arrivent tous avec un look incroyable. C'est l'été, il fait chaud. Il fait chaud, c'est caliente. Quand tu viens dans la radio, c'est trop beau, c'est trop chaud. Quand on vient ici, c'est la radio de Martin avec ses cheveux. Quand tu viens pas, c'est la street zère. Ok. 93-140, bon Dieu. Ici, c'est la street. 93, c'est la... 93 street, c'est la zère. Quand tu viens pas, c'est la zère game. Quand tu viens pas, ici, c'est la radio. Martin, 93-140, c'est caliente avec le son. Quand tu viens pas... C'est le Mike, quand tu as, c'est le Mirko. Voiture sans permis, quand tu roules à 100 km/h. On dirait du voiture s'enflammé. Mange pas trop de piment, tu rattrapes au feu, ta bouche elle sera en flamme. Quand tu vas passer enflammé, on dirait un feu d'autoroute. Quand tu vas pas ici, c'est la triste d'air. Quand tu vas Martin. Ouais. C'est la street Zer, Martin, 4340, Bondy et 77, posé ici avec Martin, en Montreuil, sous bois. Ouais, t'es posé ici. Après, on change dans Magali. Parle. Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis arrivée, c'était la folie déjà, ça rapait, ouais. Dur, ambiance de feu, ambiance de folie, l'été est là, les amis sont, les esprits sont détendus, et on est là pour passer un bon moment ensemble, tous eh profiter, oui. Et oublier les vagues à l'âme, les vagues à l'âme, les vagues à l'âme. Quand il fait chaud, on est posé quand il fait chaud. C'est caliente avec le son quand on vient pas. C'est l'été quand tu bois. Quand tu bois whisky Morito. Quand tu vas pas sur un. Tu viens, tu bois un whisky Morito. Quand il fait chaud, c'est caliente. Et quand tu as AMG. Quand tu vas pas ici avec Martin. Tu pars en Espagne. L'alcool est dangereux pour la santé. C'est un tomate oignon avec le grec. Quand tu vas pas ici, c'est la chop. Ouh. Ici, c'est la chop. Martin, il a la chop. C'est le plus quand tu viens à Bondy. 4340 Bondy avec 77, on est ici, opposé ici. Martin, c'est le boss. Martin, c'est le boss. Mario Bros. Mario Bros, c'est Martin, il est petit comme Mario Bros. Luigi, il est grand comme un sapin. Ouhou. Martin, ici, c'est Paris, c'est magique. Paris, c'est magique. Marseille, c'est pas magique. Mon cœur en déficit. Attention. Doucement, gars. Les esprits, doucement. Si vous vous sautez en l'air, vous allez débrancher tous les matériels, tout le matériel. Quand t'es épicé, quand ça pique, c'est caliente. Martin, ouais. Attention. Vous avez mangé quoi, les garçons, aujourd'hui? Ah oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on mange? Du piment, ce midi. Du piment avec du piment. Harissa. Martin. Non, le piment est plus fort que l'harissa. Ah oui. Non, ça, c'est vrai, on fait les interjections. Alors, on va passer peut-être Magali avant que vous faites le prochain. Attends, Magali. Magali, tu... attends, je t'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît. Je leur demande quel est l'endroit où ils préfèrent manger à Bondy, s'ils ont un resto qu'ils adorent. La pizzeria. Voilà. Centre-ville. Au micro, s'il te plaît. Moi, c'est au restaurant indien, j'aime bien. C'est de chez moi, ça. Pizzeria Feu de Bois, spécialement. Pizza Hut. Pizza Hut. Avec la grosse pâte. Oh, notre micro là, il y en a deux. 4340 dans la chop quand t'es posé, c'est un bolide. Bolide allemand quand tu viens pas sur terre, mais c'est un bolide allemand. Tu roules en mode RS, 440, roulé en RS, Vegeta, Super Saiyan, TPZ, Dragon Bozette, Vegeta, quand t'es posé ici, Dragon Bozette, Vegeta, gang, c'est ici, c'est un Cidzer. Vegeta gang, c'est tout rouge comme du piment. Quand c'est rouge, c'est heureux. Quand t'as du feutre rouge, le feutre rouge c'est du piment. Elle est bien épicée, c'est caliente. Oh, on a une chaise là ou ouais. Oh là, attends. Ah ok. Bon, on est... Dodo, tu m'as dit quand tu es prêt pour qu'on passe à Magali, on fait une petite pause musicale. Dodo, tu m'as dit on fait une petite pause, on passe à Magali là. Attends, on va passer à Magali. T'as un texte. Jamais, ça m'entend. Un freestyle. Il a toujours un freestyle dans sa tête. Bon, Magali, je vais mettre le. Un freestyle. Merde, mais faut que tu. Là, mon gosse. Faut que tu prennes un autre micro, celui-là. On va changer. L'autre. Un peu, là. Pas celui-là, l'autre. Une fatigue de là. Voilà. Bon, tu dis. 4340, posé à la street there. Ouais. Bondi, c'est le quartier sud, quartier nord. C'est épicé, c'est caliente quand tu roules en gamos. Merco AMG. Porsche Cayenne, piment de Cayenne quand c'est caliente. Ouais, c'est épicé. Ta bouche elle est épicée, on dirait un drac au feu. Salade tomate dans l'assiette, quand tu viens pas ici, c'est le boîte Bondi. Tous mes potos sont posés. Ouais, tout le 9-3, c'est branché. Les pétards sont allumés, ta bouche elle est allumée. On dirait un petit tarissa dans la bouche quand elle est enflammée. Salade, tomate, oignon dans l'assiette. Quand tu viens, elle est arrachée ta bouche avec petit harissa dans la bouche. Ta bouche, elle est bien épicée. Dans ses bouches, elle est épicée comme mon t-shirt rouge. Ouais. Martin, toi t'es un feu glace. C'est un tour d'adim. Ouais, Martin. C'est un tour d'adim, vas-y, c'est un tour d'adim. Bon. C'est un tour d'adim derrière. Entre 340. Laissez la place. Adieu. Ouais. Les amis, laissez la place. On va passer à Magali. Dès que Dodo nous laisse écouter autre chose. Dodo. Allez, vas-y. Ouais, voilà, on va passer à Magali qui va nous, merci, nous lire sa colonne de poésie. Attends. T'entends là? Ouais. Il faut que tu parles plus fort. Attends. Là, j'entends. Ouais, on entend là. On ah, c'est parfait. Encore, tu n'es pas fatigué des. Non, je suis en forme, je suis épicé. Épicé? Attends, t'es repas. Non, j'ai la feu, bon. J'ai le flamme. Dodo, petit break. Comme ça, on va Magali. 0-0 et après on revient. Mais attends, parce que c'est elle. Mais attends, c'est elle d'abord. C'est elle d'abord. Magali, bon, après le beau gosse. Petite pause là, et de la musique. Dodo, on dit petite pause, s'il te plaît. Bravo, garçon. Wow, vous avez vraiment été formidable. Ouais. Énergique, piquant, à souhait. Grâce à vous, on connaît la ville de Bondi. Jason, il arrive, notre chroniqueur de sport qui va nous parler dans quelques minutes de la football. Hoppa. Bienvenue, Jason. Je t'ai piqué ta place, Jason. Ah, ça va. Assieds-toi là, Jason, on a la place pour tout le monde là. Et Dodo, est-ce que tu peux arrêter la musique? Mais s'il te plaît, tu peux l'arrêter, voilà. Ok, on fait un peu de pause. Alors, et Magali, est-ce que tu t'entends? Attends. Une petite pause un peu calme, avec l'écoute sur YouTube d'un poème très connu. Qui, bon, tout ce qu'on fait, les travails de rubrique sur la Beat Generation, tout ça, à un moment, vous vous apercevrez qu'il y a des liens aussi avec tout ce que vous chantez aussi, en fait. Hein. C'est des thématiques qui reviennent et qui repartent et qui reviennent. Et donc, Allen Ginsberg, il a écrit ce poème en 1956 et il l'a récité en 1995 et il est mort peut-être en 99, quelque chose comme ça. Donc, on va écouter ce qu'il avait raconté en 1995. Allen Ginsberg était un des poètes phares de la Beat Generation. Hysterical, naked, dragging themselves from the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning one of the ancient heavenly connections of the starry dynamo and the machinery of life. Poverty and tatters in hollow-eyed and high, sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz. The bad man come as angel feet in time unknown, yet putting down here what might be left to say in time come after death, and Rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind from love into any lama zavatani saxophone cry. It shivered the city to the last radio. The absolute heart of the poem. Vous allez avoir une traduction après. Voilà. Bon, c'était Allen Ginsberg, ses poèmes Howl, The Howl. Howl, alors c'est le poème phare de Allen Ginsberg, et puis c'est le plus connu, quoi. Ouais. Et, Allen Ginsberg, il a vécu relativement âgé, et pourtant il a eu une vie où il n'a fait que de se consommer comme une bougie à plein régime, et malgré tout, il a réussi sa vie très brillamment et très longtemps, voilà. Oui, il était proche de tous les Bob Dylan, de tous les chanteurs de l'époque. Il y a un rapport entre la musique et la poésie qui était très fort. Qui était très fort lors de ce truc, la Beat Generation. Avec exactement. William Burroughs, Brian Gysing et toute la bande. Voilà. Est-ce que tu vas nous lire autre chose, Maëlle ? Alors, je voulais reparler un peu du chamanisme, parce que ça intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, parce que c'est issu de sociétés traditionnelles, des traditionalistes. Et donc, c'est des sociétés qui savaient entrer en relation avec le monde de l'invisible et les esprits de la nature. Et il y a pas mal de psys qui sont devenus chamans pour s'initier aux rituels les plus étonnants, comme le recouvrement d'âme, etc. Et donc, l'idée, c'est l'élévation de l'esprit, le voyage intérieur et se connecter avec la nature. Alors bon, bah, y a des versions plus simplifiées, des versions plus modernes, et il y a des versions plus compliquées avec des préparations de la cure, avec un régime alimentaire strict, pas de contact, abstinence, des jubiaux. Et puis, tout ça, c'est en lien avec la médecine aztèque. En France, il y a deux sites qui sont assez phares, c'est le Festival du chamanisme en Charente et l'Université du chamanisme dans le Var. Alors bon, effectivement, nous on veut parler des principes bienfaisants du chamanisme et pas des dérives. Et au Pérou, il y a cette cure où ils prennent un régime alimentaire strict, peu de contact, abstinence, des jubiaux, et ils y consomment ce qui est consommé encore en France et en Europe et tout ça comme une drogue, c'est l'ayahuasca. Ayahuasca. Et avec cette drogue, ils arrivent parfois à se sentir très connectés aux éléments de la nature et parfois même aux animaux. Et c'est comme ça qu'on voit certains, pendant le chamanisme, qui s'initient à des cris d'animaux. Alors ça, on peut reprendre Munch, le cri et tout, ça a toujours été quelque chose qui est bien, de faire sortir l'énergie négative et de garder le positif. C'est pour ça que je dis, il faut garder le côté bienfaisant et pas le côté dérive. Et s'il y a des règles, eh ben, il faut les respecter un petit peu, parce que sinon, ça peut être dangereux. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est la colonne Vitnik Poetry Regeneration by Magali. Merci. Alors, on passe à quoi ? Johan, tu voulais dire quoi, là ? Je te sens au bord de dire quelque chose. Hein ? Non, ouais. Tu peux dire commence-moi, commence-moi, moi je suis normal. On peut rapper ou pas ? On peut rapper, oui, là on fait une pause. Tu voulais dire quelque chose, Dune ? Non, pour l'instant, tout va bien. D'accord, donc on va continuer la musique avec DJ Dodo, et on reprend dans quelques minutes. C'est qui le combat, là ? C'est toi qui mets le combat, là ? Ah ouais. Pas trop fort, Adim, c'est où les femmes là ? C'est pas là ? C'est pas encore là ? Non ? On va pas là ? Ah ouais ! Wow, on a... Adim ! Préparez-vous ! Viens. Ça se chauffe dans les starting blocks. Star Team Blog. Star Team Blog. Vous pouvez toujours nous appeler au téléphone, hein, à la radio. Passer en direct avec les métanoïaques qui sont là. On est là. Ensemble. On vous accueillera. Oh, allez, c'est là. Allez, c'est là. Voilà, celle-là, elle est pour toi. Mais faut pas qu'il te tire là, reste là. Voilà, il prend son air sérieux, concentré. Slow down, tu vas trop vite, ton big booty de mon appétit. J'ai la rediff de la petite, six soit night et tu me dis please. La Cali kill depuis la bitch, pas de bizarrerie, pas de freaky. Pas de... Il jack la whiz check son épaule, boum boum c'est des gros, on donne le go. Monter sur un plafond, on est chaud, tu peux j'écouter Sean de Locos. Sean de Locos. Tu peux j'écouter Sean de Locos. Kachana baby, Hardy Jeff, du coup ça finit en L. Belek tu peux te prendre balle dans la tête, Bécté on reprend le pakistanais. Villa à faire pour la mama au bled, Villa à faire pour la mama au bled. Pour la mama au bled. Il flash la musique avec son épaule, boum boum c'est négro, on donne le go. Montez sur... Excellent, magnifique. Continuez, faut continuer. Continuez, persévérer. Show must go on. Attends, oui, notre instru. Elle était pas mal, hein. Elle était pas mal cette fois. Attention. Ouais. Je vais bien. Oh, ok. J'en mets une autre. Alors, il y a avec un look formidable sur la tête, on dirait Akhenaton ou un pharaon égyptien de l'époque nubienne. Avec ses super lunettes. Voilà. Cœur d'un griot, je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa vélo. Mais j'ai char, je la monte, chargé de kilo. Monte Carlo, elle bouffe la graille du resto, elle bouffe la graille du resto. Je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa vélo. Je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa vélo. J'ai le cœur d'un griot. Eh, hey. Hey. Ok, eh, hey. Hey. Ah, j'arrive pas, j'ai tout mélangé. Je l'adore celle-là. Ah ouais, t'aimes bien? Mais c'est pas l'instru du son aussi. Ok. J'ai le cœur d'un griot. Je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa vélo. Qui se met, j'ai char, je la monte, fais charger de kilo. Monte Carlo, elle bouffe la graille du resto. Elle bip et nappe quand je suis avec les pélos. Christian Dior, Vuitton, fuite au télo. Elle rend narvalo quand y'a jalousie. Mais c'est doux, je me noie dans sa poussie. J'ai la CB, je me fais aucun souci. Elle et moi, entre nous, c'est l'amour vache. Si c'est narvalo, on tournera la page. Tu connais ces gars là, font toutes les stars. Je lui fais un boulot, je la fais voyager, j'aime quand elle fait sa vélo. Tu se mets, j'ai char, je la monte, fais charger kilo. Monte Carlo, elle bouffe la graille du resto. Elle bip et nappe quand je suis avec les pélos. Christian Dior, Vuitton, fuite au télo. Elle rend narvalo quand y'a jalousie. Mais c'est doux, je me noie dans sa poussie. J'ai la CB, je me fais aucun souci. Anoyak, on est de retour. Bravo, bravo, bravo, merci. Tu vas où? Encore une? Tu vas où? Encore un? Attention. Ah oui, encore une. Une seule, c'est pas suffisant. Ouais. Une seule, c'est pas suffisant. Ton nom d'artiste, c'est quoi déjà? C'est quoi ton nom d'artiste? Quoi ton nom? C'est quoi ton nom d'artiste? Adimen. Adimen. Adimen. Another, please. Bon, on va. Ça se fait désirer, c'est incroyable. Au micro. autre, s'il vous plaît. Une autre. Ouais. Non, laisse le micro là parce que c'est pour le son. Laisse-le où il était là parce qu'il est posté pour le. Je veux la Mercedes, Maybach, pas de location. Collé serré, je lui donne l'attention. Tous les deux, on prend de l'ascension. Je veux la gérer, donc je mets à fond le son. On se guélant avec un mentos. Bébé, tous les deux à fond, j'ai chaud. Attends, mais. Ah! Attends, mais d'abord, je vais maé. On fera les boutiques aux Champs-Élysées. Ah, ça, c'est ça, tu l'avais écrit, c'est de là, ouais. Hey, tu l'as connu marqué moi, non? Ouais. Allez, viens, c'est de là, ouais. Merci. Vas-y, un petit comment? Vas-y, trappe comme Adim un peu. Oh. Vas-y, Johan. Ça... Une autre. Comment? Ouais, une autre, ouais. Bah, il y en avait une avec Adim là. Il y en avait une que t'as mise sur avec Adim là. La première, ouais. Bon, et on va passer après Johan qui va rapper. Tu vas rapper là? Tu es prêt? On va faire la chronique de sport. Jason, tu es prêt dans 5 minutes? Mets un casque, Jason, tu te coupes. Ouais, pas mal, c'est de la gym, ouais. T'écris maintenant? T'es continué à écrire? Un peu vite fait, moi. Je l'ai vu, je l'ai embrassé dans la bouche, ouais. C'était ma zigzag, ouais. Elle était là devant moi, ouais. J'en ai vu de toutes les couleurs, mon dieu, ouais, mais je suis encore là, ouais. Malgré qu'on a flingué ma daronne, ouais. J'en demeure un vrai soldat, ouais, mon père qui est aux cieux, ouais. Un vrai hardcore, ouais, à la haine, man. Ouais, une autre? Caliente. C'est là, ouais. Tu veux essayer avec moi? Moi, je sais pas. Ouais. Ouais, non, mais si tu veux, tu vois, si. C'est pas facile. Dis-le à Tim. C'est Biggie un peu là. Faire du sale devant moi, ouais, cette gueule, tellement elle est belle. J'ai envie de toi. ne serait-ce qu'une nuit, ouais. Oh girl, t'es belle, t'as ça, ouais. En force, ça reste Nizer, ouais. Avec mon gars du maire. Dis-moi. On appelle ça du R&B? R&B, ouais, R&B, R&B. Eh, ok, ok. Elle m'appelle mon précieux. Trop lourd, je peux faire qu'une traction. La réussite pour ma raison. La réussite pour la maman. Elle mérite plus qu'une maison. Si je pars en guerre avec les un peu d'amis frères. Ma barbe est de 2K. Je mets mon AK dans ton fiac. Grandi dans cette 7-7. Bougie, c'est la jungle. Comme des gazelles dans les rues, je me tapais des barres. Tu verras pas, pas l'angle, moi, y'a pas qu'au basket que je shoot. Je m'abarbe de 2K, je mets mon AK dans ton fiac. Grandi dans le 7-7, Bondi, l'agne, c'est la jungle. Ah, pas mal. Très joli, très joli. C'est bien que. Bravo. Vous avez des belles voix, les garçons. Vous avez des belles voix quand même, hein? Des belles voix. Come on. Yeah, come on. Oh. Sale. Face mes ennemis, poussière balayée, des tas de produits, mais toi, t'as pas idée, j'ai pas attendu de me faire valider, même le cardio va pas arrêter, j'arrête de la fumette, j'suis que de passage, Raël Lamoutini, check que de passage, déter comme Bala, achète ma nectar et va. Ah oh, pas mal le team, hein. Money, il faut des bif, il faut de la monnaie, toujours posé avec mes gava. Ok, appelle-moi Doudou pour les intimes. 93-140, Bondi Nord. Bondi okay. Sud, ouais. Ok, yeah. Ok. Oh, ça y est, j'ai gazé poteau. Je me renouvelle comme Otto. Les fines silhouettes comme Coco. Rip Arafat en moto. Tu voulais abuser mon ro. J'ai sorti mon petit combo. Toujours passé, l'année passée. Je l'ai croqué un goût phrasier. Elle m'a jeté un sort vaudou. Bravo! Adib. J'attends, c'est là, Adib encore? Avec toi. Ok. Avec toi? Ok. Vas-y, allez, un petit truc. Cette année, faut que je mette la Richard Mille. Faire du BNF en compte en mille. J'ai pété mode voyoucratie. Mon dala chop ma calessie. Ok. Cette année, faut que je pète la Richard Mille. Faire du BNF en compte en mille. J'ai pété mode voyoucratie. Mon dala chop ma calessie. J'ai pas bédavé sans souci. Moi, je voulais juste ma Richard Mille. Si je mets des habits Balenciaga, je suis la flamme d'Afrique, j'aime la plata, je te redave la mise, c'est pour niquer, raciste de color, va te faire niquer, on me débarque chez Watt, tous paniqués, je vous stop comme une défense de piqué, je veux la baiser, mais comme t'as pas idée. Cette année, faut que je mette la Richard Mille, faire du PNF en compte en mille, j'ai becté moi de voix grassée, mon dans la chop ma calessie, j'ai pas bédavé sans souci, moi je voulais juste ma Richard Mille. Moi je voulais juste m'arrêter charmé. Contre mes ennemis, je me suis ligué, je déverse avec moi que je me suis vidé, j'aime les burettes. Au gros ma belle, je suis ton bébé. Faut m'allaiter, mes gars sont rentés, tous postichés. Ah merde. Mais bien, mais oh là là là, ah ouais. Bravo Adim. Bravo. Non, il faisait encore. On fait... Dodo, on fait une petite pause rap parce qu'il y a la colonne de sport. Tu baisses un peu s'il te plaît parce qu'il y a la chronique Jason. Allô Jason, John, vas-y. Chronique de sport. Sport. On revient. 5 minutes de pause, 10 minutes de pause, on fait le. Non, la bouteille, la bouteille. Elle ouvre la bouteille. On l'a acheté à la poubelle. Non. J'ai pas pris. Jason, t'es prêt? Non, c'est pas. Il y a un chroniqueur de sport qui vient d'arriver, prendre un micro là. Jason, prends le micro, le 58 là, porte-toi. Jason, notre chroniqueur de sport qui vient comme toutes les semaines de loin, il prend son jet privé, son Jason bateau. Jason a pris son avion et est venu express ici. Micro. Ah, j'étais en vacances. Tu étais en vacances? Ah, d'accord. Ah, t'étais où, Jason, en vacances? Tu étais où? Dans quel pays? Dans quelle contrée? À Orlando. À Orlando? Waouh, c'est magnifique ça. Camping World Stadium entre Barcelone et Manchester City. Il faut que tu t'approches un peu de micro, Jason, sinon on n'entend pas bien. But de Victor, ouverture du score. Yes. Ah ouais. C'est que des remplaçants qui ont marqué. Si. Ça fait. Mais écoutez un peu, Martin. Ok, vas-y, Jason. But marqué par des remplaçants. C'est en train Barcelone. De faire un putsch, Martin. Ouverture du score à la 24e minute. Oui. Égalisation pour Manchester City par Aurélie. Barcelone prend l'avantage par Pablo Torre au temps additionnel 45+2. 2 à la mi-temps. Un quart d'heure plus tard. But de Jamal Grealish à la 60e minute. 2-2, score final. 2-2. Et ça s'est joué au tir au but. 4-1 pour Barcelone. Barcelone va Manchester City pour le match de préparation pour la Ligue des Champions. C'est quand ça le match? Pardon, micro. Match de préparation pour avant de commencer le championnat espagnol. Ah oui. Qui commence le 17 août. 17 août. Prenez note. 17 août. Pour les footeux. Ensuite, deuxième match. Il y a des footeux ici Real Madrid-Barcelone. Au stade MetLife Stadium. Tout l'inverse, c'est parce que t'en vois. À New Jersey. But de. Un doublé de Victor. 0-0 jusqu'à la 42e minute. Pablo Victor marque à la 42e minute, 1-0 à la mi-temps. Quelques minutes plus tard, doublé de Victor à la 54e minute. 2-0 qui fait le break. Et à la 82e minute, but de Paz, un remplaçant du Real Madrid. Score 2-1 pour Real Madrid. Qui, pour le Classico, faudra attendre le 24 octobre. 24 octobre, ah oui, dans 2 mois quoi. Plus, 2 mois et demi. 3e match de préparation de Barcelone. Ouverture du score par le Milan AC, par Jovic à la 10e minute. 5 minutes plus tard, but de Pulisic à la 15e minute, 2-0. 7 minutes plus tard, but de Robert Lewandowski à la 22e minute. Et un doublé de Lewandowski en deuxième mi-temps à la 58e minute. 2 partout. Tir au but. 4-3 pour Milan AC. Oui. Défaite de Barcelone. 2 victoires, 1 nul. 2 victoires, 1 défaite pour match de préparation. Donc tu n'étais pas vraiment en vacances. Tu travaillais quand même, non? Tu as fait plein de... J'étais pas au même endroit. Ah oui. Ouais. Le dernier match c'était à Baltimore à Maryland. Deuxième match à New Jersey et l'autre Camping Stadium à Orlando. Orlando, New Jersey et Baltimore, stade de football américain de Baltimore à Maryland. Encore les 3 matchs c'était en Amérique. Et lundi, trophée Johan Gamper, que le Barça a toujours gagné ce trophée. Barcelone contre Monaco, lundi 12 à 20h sur la chaîne L'Équipe. Et samedi 17, début de lancement du championnat espagnol de la Liga. Samedi 17 août à 21h30, Barcelone contre Valence. C'est tout. Hey, merci Jason, merci, merci. C'était la chronique de sport de notre chroniqueur de sport, Jason. John, pardon, c'est John maintenant, c'est plus Jason, c'est John. John. Voilà. John. John. On l'appelle John maintenant. Jason, c'est Jason. Jason. Mais lui, il voulait qu'on l'appelle Jason. John ici. C'est Jason. Voilà. Donc. Ici, c'est John. John. Arrête. Bon, on va mettre un peu d'autre musique là. Magali qui voulait écouter un peu Christophe, les mots bleus de l'archive de l'INA, voir si ça passe. Dans cette radio, un peu autre chose que rap. C'est très poétique cette chanson. C'est une chanson très poétique. Et puis je recule. Place inutile. Réserve sans fil d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus. Les mots rendent les gens heureux. Sans la nommer. Être démodé. Magnifique. Et il sourit. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on ne dit qu'avec les yeux. C'est de la poésie pure, magnifique. De nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je dirai les mots bleus, les mots qui viennent avec les yeux. Ma copine Sophie. Hey, Sophie. peur de retrouver. Oui, c'était le Christophe interprété par la Métanoïa Cuny. Bonjour Sophie. On est là, on est là. Il fait chaud, il fait bon. Merci. Il est 6h15. Belle poésie, magnifique. C'est calme, hein. Voilà, Métanoïa, on est là. Attention avec les câbles. Ok, on est là. Il fait chaud, il fait bon. C'est l'été. Danser, c'est la santé. Je n'ai plus envie de faire semblant. Les glaçons, les cocktails, les amis. Profitez. Sophie, Sophie. Sophie. Sophie. Un casque aussi parce allô que sinon tu entends rien. Là ? Non, et oui, ce casque là, il est long. Oh, attention. Voilà. Attends, il faut donner un peu plus de volume. Là, ok. Vous entends là ? Tu t'entends là ? Ouais. C'est bon. Il faut y aller. Vous étiez en train de parler de quoi ? Donc j'arrive. On chante. Plein de choses. C'est vrai ? Ouais. On a rappé, on a chanté. On a fait la chronique. Ouais, elle est sexy, hein. Oh là là. Elle met dans le casque, c'est pire. On a fait la chronique sport également. Oui, désolée. Oui. Ça va, Sophie, sinon. Oui, ça va, je suis obligée d'être assise quand tu parles. Ouais, ça... Tu veux écouter sa voix ? Ah d'accord, ok, dans le casque. Attention, hein. Alors toi. Sophie, pourquoi tu n'arrives que maintenant ? Bah en fait, j'étais à l'accueil avec Sandrine, tout simplement. Depuis tout à l'heure ? Oui, depuis tout à l'heure. Je t'ai même vu passer, je lui dis, il y a Kadra là-bas. Elle me dit, oui, je t'ai même vu passer. Et tu nous as oublié. On parlait chiffon, on parlait vêtements, elle montrait ce qu'elle avait acheté. Mais les soldes, c'est fini ? Non, mais on a été au marché. Toi et Sandrine ? Non, de mon côté, j'ai été au marché à Bondy et elle à Neuilly-Plaisance. D'accord. Oui. Et on s'est montré mutuellement ce qu'on s'était acheté. Oh. Bonnes affaires. Bon, quand est-ce qu'on sort ensemble, toi et moi ? Les mecs me font chier. Sophie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Sophie, c'est une provocatrice. Les mecs me font chier. Je voulais te parler de quoi ? Ta colonne spiritualité, sexualité, c'est ça ? Ouais. Ta chronique ? La semaine dernière, j'étais à la gare de Bondy parce que t'as vu, j'aime bien traîner là-bas, Magali. Tu me vois des fois. On a joué à t'es cap, t'es pas cap. Or qu'on a tous des grands enfants, on est censé être des adultes. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? On a joué à t'es cap, t'es pas cap. Et puis il y en a un, il me dit, t'es pas cap de faire comme si tu faisais une gâterie avec ta glace. Donc je l'ai fait. Ouais, mais laisse tomber. Il y avait la canicule. On était timbrés, tout le monde avait bu. Et après, il y en a un, il dit à une nana, t'es pas cap d'embrasser Sophie sur la bouche. Hey, elle m'a roulé une méga pelle. Tu t'es laissé faire. Je me suis laissé faire. Et comment était-ce ? Mais sinon, ils m'auraient tous traité de dégonflé. Moi, je peux pas. Ils m'auraient traité de dégonflé. Et c'était comment ? Ouais, c'était sauvage, hein. C'était sauvage. Ouais. Mais est-ce que c'était... Ouais, ben elle m'a embrassé trois fois de suite pour le coup. Ben, c'était sauvage, elle était entreprenante et c'était pas mal. Ah ouais. C'était pas mal. Ouais. Je préfère toujours les hommes, mais ouais, c'était bien. C'était bien. Moi, on m'a dit de mimer un truc, voilà. Et elle, on lui a dit, bah t'es pas capable d'embrasser Sophie. Et je me suis laissé faire. Sinon, ils m'auraient traité de dégonflé. Ouais, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Après, j'ai dit à un pote à moi, est-ce que tu peux mimer le truc pour les femmes, là ? Parce qu'il y a le petit garçon qui est là. Il fait genre, il est choqué. Just. Mais c'est parti en vrille, hein. T'es cap, t'es pas cap. Jason, ferme les yeux. Voilà, puis la fille, bah, elle venait beaucoup m'embrasser, hein. Je lui ai dit à un moment donné, arrête de me rouler des pelles, on a fini de jouer. Donc voilà. Et elle a dit un... Et avant de partir, elle a dit un pote à moi, ouais, j'ai envie de la... me la serrer, tu vas voir, nanana. Non. Non. C'était t'es cap, t'es pas cap, hein. Non. Donc les règles étaient définies. Voilà. Moi, je reste chez les hommes, hein. C'est génial, les hommes. Mais voilà, le cap, t'es pas cap, c'était sympa. Ouais. M'a roulé une pelle, hein, seulement. D'accord. Je suis pas allée voir mon grand-père au cimetière depuis. Ah oui. Je me sens un peu honteuse. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et quelle est la... Faut aller raconter toutes les pelles que. À des femmes, dans... à mon grand-père. Qu'est-ce qu'il dirait, votre grand-père? Peut-être il va rajouter. Salope de merde. T'es comme ta grand-mère et tout, il me parlerait comme ça. Ouais, ouais. Mon grand-père, il me parlait comme ça quand j'étais ado. T'es comme ta grand-mère, salope de merde. Tu vois. Ah là. Ça te fait rire? Non. Ça te fait rire? Bon, il y a notre chroniqueur. De... si. Bah, tu. Caliente. Sophie, c'est les espiègleries. Sophie, ses espiègleries. Ouais. Et comme ils sont dans le même tombeau, lui et ma grand-mère aurait dit, tu vois, je t'avais dit qu'elle était comme moi. C'est ça. Tu vois, qu'elle irait pas loin dans la vie. C'est quand même incroyable que tu aies réussi à faire une, comment dire, une corrélation entre les baisers fougueux, ouais, et ton grand-père, que tu es son âme. Fort. Oui, je suis en pleine Oedipe. Ton esprit fait de la gymnastique. Ouais, je suis en pleine Oedipe. D'accord. Là, j'ai une aventure avec un gars. Docteur, vous aviez raison, j'ai pas fait attention. Une fois, je faisais l'amour avec lui, puis je l'ai bien regardé. Et j'ai fait, merde, il ressemble à Pépé. Je fais, mais docteur Carasso, il avait raison. Il ressemble à mon grand-père quand il était jeune. C'est quand il était au-dessus, je fais, oh, mais oh. Il y a une photo de mon grand-père, il a cette tête-là, il devait avoir une vingtaine d'années. J'ai fait, merde, il avait raison. Purée, ça devait être un choc, non? Bah ouais, le choc. Ça t'a pas coupé l'envie? Mon Dieu. Non. Non, j'ai laissé même rentrer par la porte de derrière. Elle était là, tes capes. Merci pour ces précisions, ouais. si instructives. Il faut que je partage ce qui m'est arrivé en une semaine, bah, sexuellement. Il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis fait rouler une pelle. Et l'autre, il est rentré par la porte de derrière, celui qui ressemble à mon grand-père quand il était jeune. Bah, je t'ai parlé de lui, Bader. Oui. Voilà. Bah, c'est Bader. Il est encore là, hein. Il est tenace, hein, celui-là. Hein. Le nom d'un guerrier. Ah, il est tenace, hein. Bader. Mais je crois qu'il tisse sa toile, hein. Il l'a déjà tissé. Tu penses? Bien sûr. Merde. Putain, j'ai l'air vachement contente. Ouais. Bon, il passe des choses ici à la radio, hein. On parle de tout. Caliente. L'été, ça donne. On a notre chroniqueur de. Ouais, mais comment je vais faire? Parce que moi, j'ai déjà roulé une pelle à une fille et j'ai rencontré un gars qui me plaisait. Un autre? Non, vous partez où? Ouais. Attends, il y a notre chroniqueur de gastrosophie qui va nous parler, qui vient d'arriver aussi de loin. Si Dodo nous laisse écouter un peu. Ah, qu'il a déjà tissé sa toile? Ouais, complètement. Tu es sa proie. Prends le micro. Voilà, on va écouter la gastrosophie qui vient d'arriver. Attendez, moi j'ai une chose à dire au docteur. Je vois que la thématique du moment, c'est l'enfance et les souvenirs. Je suis obligée d'être fidèle. Question de valeur. C'est des questions entre toi et toi-même. D'accord. Docteur, vous avez passé de bonnes vacances? Sinon, je voulais vous demander. On a passé de bonnes vacances. Oui. Ah, super. Très opposante, très amicale. Gastronomique, justement. Au Brésil? En Allemagne et dans la Marne. Je vous devinez où j'ai été dans la Marne. Suivez mon regard. Nogent-sur-Marne. Enfin, un jour, on va tous inviter à faire la radio dans la Marne. À Fabrice-sur-Marne. Fabrice? Oui. Ça existe? C'est un lieu. D'accord. Fabrice-sur-Marne. Patrice-sur-Marne, pardon. C'est le micro qui perturbe. Et donc, pour rester dans la thématique de l'enfance, parce que je vois bien qu'il y a des souvenirs liés à l'Oedipe et d'autres plutôt bons souvenirs, je dirais donc que la chronique d'aujourd'hui va se référer à nos vieux souvenirs gustatifs, alimentaires. Donc, certains appellent ça une Madeleine de Proust. Et chacun, peut-être, a sa petite Madeleine de Proust. Je ne sais pas ce que vous avez comme Madeleine de Proust. Ah, moi j'en ai une. Mais de toute façon, ça peut être gustatif, olfactif. Oui, oui. Enfin, les 500. Parce que la Madeleine de Proust, c'est la petite Madeleine à Combray, chez la grand-mère, dans une campagne, dans le Cher. Il trempait sa madeleine dans une tisane, comme ça. Et le trou dans la purée pour mettre la sauce. Voilà. Mais la gastronomie, c'est aussi l'art de faire une belle présentation de la sieste. Hein, voilà. Un restaurant étoilé, c'est aussi la présentation la plus jolie. Racontez-moi vos coquillettes d'enfance, alors, si vous voulez bien. Jambon purée, quoi. Jambon purée, d'accord. Voilà. Moi, j'aimais manger des oranges parce que quand j'étais enfant, j'aimais manger des oranges au pied de l'oranger. C'est une orange très sucrée, pleine de pépins. Et on aimait éplucher, laisser traîner comme ça les peaux d'orange par terre. Et on était bien content d'avoir son propre pied d'orange. Et ça, c'est ma Madeleine de Proust. Et je crois que chacun doit se référer à ces Madeleines de Proust, à ces vieux souvenirs alimentaires. C'est pas forcément gastronomique, c'est pas forcément alimentaire, c'est un peu sentimental. Et c'est pour vous dire que les sentiments font partie de l'alimentation et l'alimentation fait partie des sentiments. On ne fait pas que manger dans la rationalité. Et le plaisir aussi. Alimentaire. Le plaisir, les souvenirs. Les couleurs. Les vocations, la littérature. Les odeurs. Et donc j'invite chacun à dire son petit mot concernant un vieux souvenir culinaire, comme par exemple Jason qui va nous dire ici en direct. Alors ici, c'est pas Jason, micro c'est de Radio Metanoia. C'est John. Le vieux souvenir alimentaire. John. Souvenir. Un ballon de foot. On mange trop gras. Ah oui, mange trop gras. Voilà. C'est trop sucré et trop salé aussi. Moi, j'en ai une. Allons-y. Elle est magnifique. Allons-y. Quand j'y pense, fermez les yeux, imaginez. Vas-y. Tout simplement. Allons-y. Vous êtes petit. Oui. Pieds nus, vous marchez sur le sable. Et en fait, vous attendez que les grands dorment. Et vous commencez à monter sur le figuier. Vous montez sur le figuier, vous escaladez. Et tout doucement. En plein été. En plein été, vous entendez les grillons. Et vous attrapez la plus belle fille, la plus violacée, la plus mielleuse qui soit. Et là, tout en haut de l'arbre, vous vous accoudez et vous vous allongez. Vous regardez le ciel et vous la dégustez dans l'arbre. C'est un précieux souvenir. C'est une scène de cinéma. Pourquoi tu dégustes en fait, ma chérie? Je déguste une figue. D'accord. Tu pensais à autre chose? Elle pensait à la pomme. À la cerise. C'est avec toi que j'aurais dû faire tes caps, tes pas caps. Arrête. Je suis pas de ce bord-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a un souvenir alimentaire marquant? Micro, prends le micro. J'aurais mangé comme une figue. Sans doute. Patrice. Ah, tu vois? Mais je suis pas de ce bord-là. Non, mais je suis pas de ce bord-là non plus, mais c'était. Je voulais pas une expérience. On aurait traité de dégoût. Qui a un autre souvenir, s'il vous plaît? Allez, soyez un petit peu. Un petit. J'avais dégusté d'abricots. Quelque chose que tu aimais lorsque tu étais petit. Quand tu étais petit, oui. Prends. J'aimais beaucoup le sucre, les gâteaux, tout ça. J'en mangeais plein. Quel gâteau? Sois plus précis dans tes explications. Oh, clafoutis. Moi, j'aime les jus. Pour avoir le jus. Les mirabelles, les quetsch. Les mirabelles. Les pastèques. Ah, les pastèques. Les pastèques, lorsque vous les prenez, lorsqu'elles sont bien mûres et que vous les tapez au sol, vous entendez le craquement de la pastèque et vous voyez en fait que la pastèque est mûre à souhait. Oui. J'ai déjà mangé ça quand j'étais petite, à même le sol. Et ça, franchement, avec un sol chaud et la pastèque. À même le sol, t'as fait ça? J'ai fait ça, oui, j'ai mangé ça. Elle ne pense qu'au sol. Mais elle ne pense qu'au sol. Voilà, à même le sol, t'as fait ça? Waouh! Bah en fait, on peut dire que tout ce qui est goût, c'est très sensuel, c'est très... Il y a quelque chose de très sensuel dans tous ces gestes-là, dans cette nourriture, qui forcément rappelle tout ce qui est la période de bébé, où on met les choses à sa bouche. Sophie, ça suffit. Elle fait des gestes un petit peu... Suggestif. Très suggestif, docteur. Alimentaire. Alimentaire. Les yeux très, très, très. Ouais, vraiment ça. Vous savez que l'alimentation, c'est tout ce qui rentre. Exactement. Hein, donc, on se nourrit de ce qu'on peut et de ce qu'on aime. Oui. Donc, certaines aiment engurgiter des choses. Il y en a qui aiment se lécher. Il y en a qui aiment se lécher les doigts. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je trouve que manger un plat avec les doigts, c'est meilleur que manger avec des couverts. Oui. C'est un autre rapport. Il y a un nouveau rapport de sensations, c'est de tactilité. Et c'est meilleur, je trouve, quand on mange les plats avec les doigts. Oui. Surtout quand ce sont des plats traditionnels. Oui. Bon, les plats... Frites, arrête, t'en as rien à faire. T'en as rien à faire, frérot, arrête. T'es complètement ailleurs. Quoi ? Complètement ailleurs. Il en a rien à faire de ce que tu dis. Je sais, je connais ça aussi, les hommes qui m'écoutent pas, tu vois. Il était. Je sais même pas si le docteur Serrat t'écoutait aussi, honnêtement. Si, si, si. D'accord. Donc... Pourquoi il m'écouterait pas ? Je pensais d'ailleurs un peu à la soupe. T'étais un peu appétissante quand tu parlais. Même quand tu parlais, je le regardais, je faisais des gestes obscènes avec ma langue et mes doigts. Ah oui. Tu vois. Et il était là ? On t'aurait sauté dessus. Vous avez l'esprit mal tourné. Très mal. Ouais. J'évoque la chaleur de l'été, j'évoque le soleil, j'évoque l'azur, j'évoque les oiseaux, j'évoque le far niente. Et j'aurais dû faire le T-Cap, T-Pac-Cap avec elle. Ouais, attention. Si... T'es pas si sage, Kadra. Mais qui a dit que j'étais sage ? Ah. Elle est là, elle est là. Voilà, notre star qui vient d'arriver à la fin de Metanoia. Elle est là. Alors, un micro pour elle, s'il vous plaît. Mais faut que t'enlèves ton pull, ma chérie. Là, on a fait la danse. Il faut que tu ailles avec elle comme la dernière fois. Attends. Toujours aussi rigolote. Ça va ? Bienvenue. Moi, je te dis que je t'aime. Ne sois pas déçu. Il faut que l'amour rend bête, l'amour rend aveugle. Mais nous, on fait du sale pour les filles qui nous maltraitent. Attention, les gars, c'est parti. Dédicace à qui ? 7-7. Attention, les gars. 9-3. On est là. Ouais. On est là. Ouais, tu danses bien. Tu fais trop de bêtises. Bah, non, tu dis des bêtises. Moi, je fais pas de bêtises. Je te dis, tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qui m'arrive dans mes parents, ce que la vie a doté d'une chanson. Mais moi, malheureusement, voilà, j'appuie sur la gâchette. J'ai vu de la lumière. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Il n'y avait pas de porte ouverte. Alors, j'ai fêté un carreau. J'ai pété sur la fenêtre et incrusté mes négros. C-A-L-P-O, passé Lino, t'as vu nos gueules dans les journaux. Vous me devez une cigarette, ma chère madame secrétaire. N'oubliez pas. Après, moi je vous dis, écoutez bien, les menottes, les notes, la machine à taper, ton nom, prénom, naissance, nationalité, poche vidée, ensuite lacet. Passy était sorti, ça faisait des mois. J'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai revers et j'ai encore moi le goût pour la fête. On trouve toujours nos embrouilles de rebeux et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de boudioule. Pourquoi signer une fois par... Chérie, laisse-moi te regarder ou mieux te contempler. Ce n'est pas difficile, facile, je vais tester. À la base, j'étais venu chercher un Pepsi. Ils m'ont fait du sale. J'ai vu mon homme, je lui ai dit « Waouh, oh beau gosse, tu ressembles à Romario. » J'ai vu qui ? J'ai vu. Comment il s'appelle déjà ? J'ai vu Giroud. Je lui ai dit « S'il te plaît, Giroud, ramène-moi un t-shirt de Romario. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème. » Eh là là, je ferai ni wa. La la, ma handi handi wa. Ya babo, ya mon amour, kharaj de la misère. Ya ashkouf, ya bene ou bene kabou. Ya l'orzel, ou bendil ou l'zhour. Ya l'orzel, habi habi abo. Ya 36 miryam, 60 hliba ou 12 bêtou. L'aql dzatou, wisha ou zed abbatou. Jamila, j'koud bouhalia, yana bouhalia. Ben il fait un bouche, écoute bien. M'a fait sauter, m'a fait tosser. Cadra. Mais Hein? T'as parlé de quoi tout à l'heure? Fait à cet bébé. Pas si tôt, fait ma photo. Pas fait ma photo. A fait bébé, c'était. Eh pas pété. Il n'est pas passé, cadra. Non, pas l'autre. Mais si tôt, fait l'obété. Ma fait c'était si défaut. Ben non. La fait sauter mon. Mais qu'a fait la fait c'était. Allélélé. Fait non, qu'est l'homme. Allélélé. Allez l'o, allez les Somaliens, allez les Africains. Nous on est là, on déchire tout. J'tiens à ma cigarette, j'ai pas fumé. Vas-y c'est bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est Jamila en force là, qui tente. Bravo qui Jamila. En plus d'un super volet orange, pantalon vert fluorescent. J'ai pas fini. C'est la danseuse, c'est la santé, c'est la vie. Vous savez qui c'est qui est mort? Vous savez qui c'est qui est mort? C'est qui faisait Fort Boyard, il est mort. Vous savez l'équipe, vous savez ceux qui ont... ils doivent des impôts. Ouais. Voilà, c'est Radio Métanoïa, dernière 3 minutes et on y va. Salut Magali, à la semaine prochaine. Super. Cadra, jamais tu danses. J'attends toujours ma cigarette. J'ai une dose de Adol. Je suis hyper active. Je suis somnambule, attention. Ça donne quoi quand tu danses? Salut Métanoïa. Et j'ai essayé de la draguer, ça marche pas, je sais pas. Elle n'a pas compris que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Non, non, ça peut pas. Non. Avec la boulangère de mon quartier, j'y suis presque. Hein. Je pense. Attention, hein. Si je t'ai pas tenu la main. Elle dit des bêtises. Des bêtises, ouais. En tout cas, c'est pas ma cam, certainement pas. Mais tu sais que j'ai des bêtises, Cadra. À chaque fois, j'attends la fermeture pour acheter du pain. Je savais pas pourquoi, maintenant j'ai compris. Ah ouais? Bah ouais. La boulangère, elle te kiffe? Non, je pense pas. C'est moi qui la kiffe, je pense. Tu kiffes la boulangère? Ouais. Elle pourra te donner des petits pains tout jour. Non. Ouais, j'aime bien la regarder. T'aimes bien la regarder? Ouais. Lorsqu'elle sert les clients? Ouais, j'aime bien la regarder quand elle sert les clients. C'est son corps ou son esprit? Son esprit. Non. Son esprit. Elle est un peu comme toi et moi. Non. Moi, je kiffe les hommes, Cadra. Le cap, t'es pas cap, c'était pour pas que mes potes disent que je suis une dégonflée. Hein. Donc, voilà. Mais non. Mais je sais pas, c'est l'été, je m'en fous. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Ouais. Docteur, et vous, comment ça se passe? Il parle jamais. Ça se passe bien? C'est l'été, température chauffe. Je te montre mon téton. Moi ? Ouais, j'ai montré mon téton à ma coiffeuse avant hier. Elle m'a dit, ah, Sophie, bon, arrête, il y a des clients. Ah ouais ? Ouais. Ça fait 2 ans qu'elle me coiffe. C'est, quand je, Adib, les, c'est quand ça. Je, quand je la paye, je lui mets les 30 euros dans la poche. Elle a un pétard de ouf. Je lui dis, Aïcha, je te mets les 30 euros dans la poche de derrière, comme d'habitude. Tu vois ? Ouais. Mais en même temps, on voyait mon téton. En même temps, c'est vrai que ma robe, elle était comme ça. Mais non. Mais... Attention, il y a l'onceau là-bas. Là. Il y a un lionceau là-bas. Là. Attention, il y a un lionceau là-bas. Est-ce que je suis la seule à être un peu déglinguée ou Est-ce que je suis la seule à être un peu ouverte ou être un peu déglinguée? Ah, d'accord. T'es ouverte. Non, enfin, sociable, on va dire. Ouais. Ah, parce que t'appelles ça être sociable, montrer son téton? Bah ouais. Tranquille, non, Sophie. Heureusement tranquille. Que je côtoie des gens qui sont un peu perchés comme moi, parce que je me dirais, mon grand-père avait raison quand j'étais ado, je suis une salope. Tu vois ce que je veux dire, donc... quand même pas. Exagéré. Si, ils m'avaient traité de pute. Allez. Avec ma grand-mère. Ils m'ont fait de la peine tous les deux ce jour-là. C'est vrai. Allez, liberté de parole ici, on peut parler tous. Ouais. Ouais. T'as l'air d'être d'accord avec eux. T'as l'air d'être d'accord avec eux. J'étais avec toi. Hein. Ah, d'accord, ok. Oh.